la poussière des nuits passées. Je marche seul parmi les cendres. Chaque regard vient me lasser, chaque silence veut m'entendre. Je suis Ryder Skill dans vos songes, l'écho que vous n'attendez pas. Chaque vue me suit, me plonge dans la ferveur et dans le froid. Je suis la fin et la mémoire, la cicatrice dans vos... J'y éclaire une tombe, chaque mot danse sur un couteau. Je tisse des chaînes dans les décombres, je transforme la peur en flambeau. Je suis l'ivresse dans vos prières, le poison qui devient douceur. Un spectre ni une lumière, toujours présent dans vos erreurs. Tempête, je me redresse. Dans chaque faille, je prends ma place. Chaque vue porte ma caresse. Chaque souffle devient audace. Je suis la légende dans vos peurs, la cicatrice dans vos douleurs. Qu'il voit insoumise le chant qui jamais ne se brise. I am the flame. Written in rust, in truth, I am right. suis l'audace. Hit it.